بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, inshallah, pour ce soir, je vais faire la traduction succincte de ce que Cheikh Saleh ibn Abdelaziz Al-Sindi, Hafdallah, professeur à l'université de Médine, dans le domaine du dogme, de l'aqidah du tawhid, nous a fait, inshallah, ce soir. Et le sujet est les problèmes familiaux, les causes et les remèdes, ou et leurs remèdes. Donc, Cheikh a dit Hafdallah, après avoir glorifié Allah Azza wa Jal, et saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc a dit, le meilleur d'entre vous, par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur chez sa famille, ou le meilleur de sa famille. Et aussi, parmi les causes qu'il a voulu parler justement de ce sujet, c'est espérant que cela fasse de nous des gens qui sont meilleurs dans leur famille, et aussi qui s'entraident dans le bien. Donc bien sûr, le sujet est un sujet très important, et ce sujet est basé sur l'entente et le pacte que l'on a fait avec l'épouse, ou que le pacte que l'épouse a fait avec son mari. Donc il est fait dans l'entente, le pacte, l'amour et la miséricorde. Donc bien sûr c'est un chapitre qui est important dans le bien. Et comme on le voit que plus la famille est forte, c'est-à-dire plus les gens se dirigent vers Allah Azzawajal, vers l'adoration d'Allah Azzawajal, plus elle sera forte. Et plus les traces de ce bien seront laissées dans la descendance. Et le cas contraire aussi, c'est-à-dire que plus les gens s'éloignent d'Allah Azzawajal, plus la famille s'éloigne d'Allah Azzawajal, et bien sûr plus on verra le contraire. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de Aïcha, c'est-à-dire l'histoire de son épouse, une histoire qui l'a troublé et qui lui a fait beaucoup de tort. Donc Omar lui a parlé, un jour Omar ibn Khattab est venu le voir, tout en sachant que Omar était un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri, tout en sachant qu'il est resté un mois complet, en restant bien sûr triste. Mais là il a ri, donc Omar a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a fait rire, c'est Allah a montré tes dents et Allah t'a fait rire. Car il était très touché et profondément touché dans sa maison, et qui est une maison bien sûr prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr parce qu'il pensait aussi à la Ummah, pensant à la Ummah et à leur situation. Donc on voit lorsqu'on pense actuellement à la communauté et à sa situation, on voit qu'il y a plusieurs problèmes. Et on sait très bien que le moindre problème gêne. Et aussi, automatiquement la personne pense à ce problème et elle pense aussi. Donc elle fait que la personne commence à penser et à réfléchir. Et elle réfléchit à ce problème et elle réfléchit aussi à la solution. Parce qu'elle veut, bien sûr, chaque problème a, bi'iznillah, une solution. Et bien sûr, parmi les problèmes qui sont importants dans les sujets familiaux et qui est sûrement le problème le plus important, c'est bien sûr le divorce. Et bien sûr que c'est quelque chose qui doit à l'origine ne pas arriver. Et si justement, et pour pas que cela arrive, c'est-à-dire comment faire, c'est-à-dire quelles sont les causes. Donc on voit que le problème a des causes, il a aussi des remèdes. Donc on va voir premièrement quelles sont les causes. Donc Cheikh a cité plusieurs points dans les causes. Et le premier point et le plus important du divorce, et c'est la cause la plus importante, c'est la faiblesse dans la religion des deux personnes ou d'une des deux personnes. Et cela bien sûr, donc les fait vivre, c'est-à-dire la faiblesse de cette religion, elle les fait vivre dans l'éloignement d'Allah Azzawajal. Et bien sûr, Shaitan entre dans, automatiquement dans ce couple. Shaitan prend la place et entre dans ce couple. Et la personne, non seulement elle va être châtiée parce que déjà elle désobéit à Allah Azzawajal, et en plus elle verra son châtiment sur terre. Elle verra justement son châtiment sur terre, c'est-à-dire qu'elle vivra déjà mal cette vie. Et la personne, à ce moment-là, elle doit se regarder. Il faut qu'elle se regarde. Est-ce que vraiment cette personne est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et elle va retrouver en elle un avilissement. Et cet avilissement revient justement de la non-conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc fouille en toi et tu trouveras justement ces choses-là. Et tu trouveras en toi d'où viennent ces défauts. Si tu vois qu'il y a un problème dans le couple, regarde en toi-même et tu trouveras à kul hal la solution. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'homme et la femme, tous deux, demandent tous leurs droits. C'est-à-dire, ils demandent leurs droits sans exception. Et cela aussi, c'est partie de la faiblesse de la compréhension. L'homme veut que la femme soit au top. Ou bien l'homme, la femme peut-être, elle veut que l'homme soit au top au niveau de la religion. Et cela n'est pas quelque chose de possible d'être au top au niveau de la religion. Parce que justement, ces personnes-là ont justement une faiblesse ou une sorte de faiblesse dans la compréhension de cette religion. Et elles veulent bien sûr acquérir tous leurs droits sans exception. Et c'est quelque chose qui n'est bien sûr pas possible. Et le fait que tu respectes et que tu aimes ton épouse et vice-versa, c'est justement que tu dois savoir que ton époux ou ton épouse auront justement des défauts. Donc il n'est pas possible de demander l'un vers l'autre tous ses droits complètement. Et il est impossible à tous deux d'atteindre la perfection, c'est-à-dire totale. il est impossible à tous deux d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut fermer les yeux sur certaines erreurs. Et celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Troisièmement, parmi les choses aussi qui sont les plus fréquentes, c'est l'énervement. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les jeunes. Parmi les choses qui sont les plus fréquentes lorsqu'il y a un divorce, c'est bien sûr l'énervement. Ou bien lorsqu'il y a des problèmes aussi dans le couple. Donc l'énervement, sachez que c'est une bombe à retardement. La majorité des divorces viennent de cet énervement. Ils proviennent de cet énervement. Il dit rapidement, je te divorce par énervement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils le regrettent. Ils doivent donc tous les deux délaisser ce mauvais comportement. Donc à ce moment-là, il faut donc il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi. Donc la personne est ouverte au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle lui demande conseil. Donc elle est prête à accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Celui qui a rapporté le hadith a dit, donc j'ai regardé, il a médité à propos du comportement, à propos de l'énervement, et il a vu que l'énervement est celui qui rassemble tous les maux. Et aussi le Bukhari dit qu'Abu Dhar radhiyallahu anhu a invité, et puis il demande à sa femme de préparer de la nourriture, puis elle refusa de préparer de la nourriture. Et donc l'invité a entendu les voix se lever, il a entendu la dispute. Et lorsqu'il a dit ça à Abu Dhar, qu'il a entendu ça, donc Abu Dhar lui a répété que la femme est créée d'une côte qui est courbe. Elle est créée d'une côte qui est courbe. Donc si tu veux bien sûr la redresser, tu la casseras. Donc voilà comment Abu Dhar a fait. Abu Dhar après s'est calmé et il s'est rappelé de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a calmé et il ne s'est pas énervé. Pourtant, on s'imagine maintenant que beaucoup de gens d'entre nous auraient été plus loin, auraient fait beaucoup plus de problèmes si on avait évité que l'épouse ne venait pas à faire à manger. Quatrièmement, il y a ceux qui se mêlent dans ce couple. Sachez que le problème doit rester dans la maison. Il faut cacher vos problèmes. Ne les sortez pas chez les gens. Ne les disez pas au premier venu. Et cela est meilleur pour le couple. Donc parce que justement, les gens des fois le disent au premier venu dans la famille, ou chez les voisins, ou les amis. Bien sûr, dans la majorité des cas, cela n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Et plus de gens rentreront dans ces problèmes, plus les problèmes s'agrandiront. Donc en général, le couple doit arranger ses problèmes seul. Donc il faut en général arranger ses problèmes seul. Cinquièmement, c'est la faiblesse dans le fait d'accepter ce que Allah Azzajal nous a octroyé. Donc la faiblesse dans le couple ou dans l'une des deux personnes, dans le fait d'accepter ce qu'Allah Azzajal nous a donné comme bienfait. Et aussi la comparaison, c'est le fait de comparer, le fait de faire la comparaison entre son mari ou sa femme par rapport à d'autres femmes et par rapport à d'autres maris. Le mari de tel ami ou de telle sœur et la femme de tel frère et ainsi de suite. Donc il ne faut pas prendre comme comparaison cela parce que justement vous allez peut-être voir dans votre mari certains défauts qui vous allez accentuer sur ces défauts et vous risquez de le détester. Alors c'est possible que le mari de votre sœur est plus doux, plus aimable, moins avare et autres. Donc il ne faut pas commencer à calculer ces choses-là sinon vous allez justement tomber dans le piège de la comparaison et vous allez ouvrir la porte à Shaitan et vous allez commencer à être dégoûté de votre mari ou bien vous allez être dégoûté et vous allez détester votre femme et vous attendrez le moment propice pour la divorcer. Alors que bien sûr, à ce moment-là, Shaitan est entré. Donc le musulman, dans ces cas-là, doit accepter ce qu'Allah Azzawajal lui a prescrit. Allah Azzawajal lui a prescrit, et donc il faut justement accepter ce qu'Allah Azzawajal a mis. Il faut être à l'aise, il faut être dans l'aisance dans ce domaine-là. Et accepter ce qu'Allah Azzawajal lui a donné. Et même s'il ne divorce pas, et que la personne est tout le temps en train de comparer, elle vivra mal. Elle ne vivra pas en paix. Alors que la paix, as-sakina, c'est-à-dire le repos, ce repos-là et cette paix, sakina, c'est justement le but du mariage. Et le repos fait partie des choses les plus importantes par rapport au bonheur du couple. C'est parmi les choses les plus importantes qui ont à voir avec le bonheur du couple. Et le musulman ne sait pas, car c'est possible qu'il déteste quelque chose dans son épouse et que dans cette chose-là, justement, il y a un grand bien. Et Allah va mettre justement dans ces choses-là un grand bien. La personne ne sait pas d'où vient le bien. Donc il ne faut pas regarder les défauts. Et si tu vois les défauts de ta famille, donc regarde aussi les bons côtés. Et bien sûr, en ce moment-là, toi, essaye d'arranger ses défauts. Il faut que tu lui conseilles et que tu essayes d'arranger ses défauts. Et en ce moment-là, il verra justement beaucoup plus de bien dans le couple. Sixième point par rapport aux causes du divorce, c'est que certains couples écoutent et demandent conseil à celui qui ne mérite pas d'être écouté. C'est-à-dire, demandent conseil à n'importe qui. Alors que cette personne-là, justement, n'est pas un conseiller et qu'il n'a pas une bonne vision des choses. Et chaque personne qui demande justement à celui qui n'est pas prêt à conseiller n'aura pas justement le remède. Et des fois, bien au contraire, il l'enfonce dans son problème. Il n'arrange pas son problème, mais Au contraire, il accentue ce problème. Donc, voir que aussi des fois la femme, elle téléphone à sa voisine ou à une sœur, et puis la sœur lui dit fais ça. Et après, la femme ne pense plus qu'à une chose, c'est-à-dire à faire exactement ce que la sœur ou la voisine lui a dit de faire. Et bien sûr, cela amène des fois à la fin à un divorce. Et à ce moment-là, ils ne pensent pas aux enfants qui sont privés de l'amour de la mère ou de l'autorité de l'éducation aussi du père. On a vu là maintenant les causes. Bien sûr, elles ne suffisent pas à elles-mêmes. Il faut connaître bien sûr le remède. À l'origine, il ne faut pas, parce que l'origine de quoi justement par rapport au remède? L'origine, c'est qu'il ne faut pas causer problème. À l'origine, il faut éviter déjà, dès le départ, les problèmes. Les deux, c'est-à-dire le couple, doivent se comprendre. Et chacun connaît le caractère de l'autre. Donc chacun connaît ce qui irrite l'autre. Donc justement, elle doit éviter déjà, dès le départ, à l'offenser. Parce qu'elle sait que l'autre personne n'aime pas ça. Donc dès le départ, elle évite justement d'entrer dans les terrains qui sont litigieux. Alors qu'ils ne doivent pas oublier que c'est l'islam qui les a réunis avant toute chose. Donc si c'est l'islam qui les a réunis avant toute chose, parce que le frère, qu'est-ce qu'il cherche avant de se marier? Il dit, je cherche une sœur. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche, bien sûr, avant de se marier, de dire, je cherche un mari. Donc c'est l'islam qui les a réunis avant toute chose. Donc ils doivent éviter ces causes. Et bien sûr, et ça, c'est parmi justement le fait d'éviter ces problèmes. Ça, c'est le meilleur des remèdes. C'est de ne pas rentrer dès le départ dans les problèmes. Et parmi les causes, c'est aussi de connaître la religion et de connaître. Ce qui est bien sûr important, c'est de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un exemple pour tout. Donc c'est le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec vos femmes. Et moi je suis le meilleur d'entre vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une règle. Il nous a donné une règle de vie avec notre épouse, c'est-à-dire de regarder comment il était. Donc on doit être des gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, premièrement, petit 1. Donc là maintenant nous sommes dans les remèdes. Petit 1, c'est justement de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Et le meilleur d'entre vous est bien sûr le meilleur avec son épouse. Donc ça c'est une règle de vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ni femme ni servant. Il était doux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à sa femme, Aïcha, radhiallahu anha, donc la Umrah te suffit. C'est-à-dire elle a fait la Umrah avec le Hajj. Donc la Umrah te suffit. Aïcha radhiallahu anha a dit non, elle voulait, elle a refusé, elle voulait encore faire la Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était simple. Il ne s'est pas énervé. Et il l'a laissé faire la Omra tant que la chose, bien sûr, il ne s'énervait pas parce que tant que la chose n'était pas quelque chose qui était contraire à l'islam. À partir du moment qu'il voyait que cette chose n'était pas contraire à l'islam, il laissait faire et il était simple. Donc c'était un homme facile. C'était un homme simple et facile. Et aussi, il se lavait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait aussi avec Aïcha radhiallahu anha. Ils ont couru ensemble, ils ont fait une course. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu la première fois, puis il a gagné la deuxième fois parce que Aïcha radhiallahu anha, elle avait pris du poids. Et aussi, il a laissé regarder lorsque les gens de Habasha ont justement pratiqué leur coutume devant eux. Donc, c'est connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses femmes et aussi la vie des salafs à ce sujet sera très profitable pour la vie du couple. Deuxièmement, dans les remèdes, donc la femme de Saïd ibn Musayyib, rahimahullah. Elle disait, on parle avec nos maris, comme eux parlent avec les émirs. Donc elle disait, Barakallahu fik, Atallahu Omra. Donc toutes les duas qui sont connues, c'est-à-dire devant un émir. Et donc parce qu'il y avait justement de l'humilité de l'épouse envers son mari. Troisièmement, faire beaucoup de duas, invoquer beaucoup Allah Azzawajal, et faire aussi beaucoup de duas les uns envers les autres. Et aussi demander à Allah Azzawajal que l'épouse et les enfants soient un plaisir pour les yeux. Et vous retrouverez ce verset vers la fin de la sourate Al-Furqan. Lorsqu'ils ont dit justement, oh Allah, fais qu'il y a dans nos femmes et nos enfants un plaisir pour nos yeux. Donc il faut que ton épouse et tes enfants soient un plaisir pour les yeux. Donc il faut faire beaucoup de dua. Et quatrièmement, toujours par rapport au remède, le retour vers Allah Azzawajal, Al-Tawbah. Il faut se repentir et revenir vers Allah Azzawajal et se remettre en question sur nos défauts. Donc on a vu ça auparavant par rapport aux causes, c'est justement le péché. Et là, donc, le remède, c'est justement de faire tawbah de ses péchés. Et ils connaissent leurs péchés de par leur famille. Sachez qu'ils connaissent leurs péchés de par leur famille, leurs femmes et leurs montures. S'ils voient qu'il y a des problèmes dans leur famille, et qu'il y a des problèmes dans leur femme, et qu'il y a des problèmes dans leur monture, et, hein, dans leur bien, donc ils se regardent, ils se disent, il y a un problème en moi. Cinquièmement, accepter ce qu'Allah Azzawajal t'a donné. Il faut accepter, avoir al-qana'a, hein, de ce qu'Allah Azzawajal t'a donné. Il est possible que ton mari soit pauvre, ou même simple, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un de beau, spécialement. Ou bien il est malade. Et une femme, justement, qui ne donne pas, l'homme aussi ne doit pas santé par rapport à l'épouse, qui ne donne pas d'enfant. Et patience, et Allah Azzawajal va le récompenser, et cette récompense est énorme. La récompense est énorme d'où l'importance, bien sûr, de la vie de couple. Sixièmement, c'est être doux et calme. Donc il faut avoir ces caractéristiques, parce que ces attributs et caractéristiques sont aimés par Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement au compagnon que tu as deux qualités, donc c'est justement la douceur et le fait d'être simple et calme. Alors tu as des caractéristiques qui sont aimées par Allah Azza wa Jal, c'est d'avoir la douceur et le calme. Et septièmement, il faut se taire pour celui qui s'énerve. Lorsque la personne s'énerve, au lieu de parler, qu'elle se taise. Et aussi qu'il sorte de la maison. S'il voit commencer à s'énerver, qu'il sorte de la maison. Et s'il voit que les problèmes commencent, qu'il sorte bien sûr de la maison, avant qu'il s'énerve. Huitièmement, ils doivent se faire des cadeaux les uns envers les autres. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites des cadeaux et vous, vous aimerez. Donc faites des cadeaux entre vous et vous, vous aimerez. Donc cela bien sûr passe avant par rapport au couple. Donc donnez-vous de votre meilleur. Il faut que vous donniez à votre épouse du meilleur de vous-même. Comme vous donnez devant vos copains le meilleur de vous-même, c'est-à-dire vous montrez devant vos amis, c'est-à-dire masculin et féminin, bien sûr, là, donc c'est valable pour les hommes et bien sûr et pour les femmes aussi. Donc le meilleur de vous-même, vous donnez, donc il faut aussi donner dans la maison, donc automatiquement, le meilleur de vous-même. Parce que votre épouse ou votre mari passe avant les amis. Donc il faut essayer, s'il y a un problème, de lui faire un cadeau, même si c'est un cadeau qui est simple, de lui faire plaisir. Et cela enlève le problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Et il faut aussi pactiser dans l'entraide, il faut s'entraider. Il faut s'entraider dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Il faut pactiser, il faut avoir des rokoud. Hein, donc il faut avoir des actes les uns envers les autres. Donc si l'épouse voit que son mari a fait du mal, elle lui dit, tu as fait du mal, et vice versa. Donc il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il faut justement être ferme devant la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et il faut aussi, justement, donc il faut s'arrêter justement lorsqu'on se rappelle d'Allah Azza wa Jalla, il faut bien sûr rappeler la personne d'Allah Azza wa Jalla et de la religion. Et même s'il le faut, si on ne le dit pas, on peut le faire par écrit. S'il le faut, on le fait par écrit. Donc bien sûr, et cela va enlever, subhanallah, et cela va enlever quoi? Va enlever justement que aucun d'entre eux va s'enorgueillir par rapport au péché. Ou bien il ne va pas justement se gonfler par rapport à son péché. Il y a aussi, parmi les points, que la maison, elle peut se détruire. Si par exemple l'homme, par exemple la personne, fait ce qu'il veut. Imaginez-vous, en général on remarque souvent que c'est par rapport au mari, le fait que c'est lui qui a des fois la force ou quoi. Donc il fait ce qu'il veut. En ce moment-là, l'épouse, lorsqu'elle voit ça, il lui est permis, bien sûr, de demander, mais pas demander comme on l'avait auparavant à ses voisines ou autres, mais demander aux ulama, aux gens de science, aux gens de sagesse, aux gens de science et de bien. Parce qu'il y a justement de cela beaucoup de bien. Et je préviens, donc Shir dit, là c'est Shir qui parle, qui dit, c'est-à-dire là Shir dit, il prévient contre ce qui arrive, c'est-à-dire surtout chez les femmes, lorsqu'elles visitent les devins et les sorciers, parce qu'elles sont faibles dans la foi, dès qu'il y a un problème dans le couple, et elles pensent que peut-être qu'il y a un sort, ou peut-être qu'il y a un mauvais œil, et alors elle veut connaître la vérité à ce sujet, cela en ce moment-là lui fait perdre sa religion, parce qu'à ce moment-là elle sort de la religion, ou elle peut sortir de la religion. Donc celui qui fait cela, a donc renié ce qui a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas que Allah Azza wa Jalla est bien sûr puissant et capable de toutes choses. Donc il peut en lui-même enlever tous ses problèmes. Donc il faut bien sûr s'en remettre à Allah Azza wa Jalla dans ce domaine. Wa sallallahu alayhi wa sallam, tasliman kathira. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.